Il est 10h, vous êtes sur Brume et c'est Bande à part, l'émission du rock progressif. Une émission un petit peu particulière puisque nous avons deux Stéphanois dans les studios. Nous avons Divinéo qui est venu nous voir et un digne représentant de Rockstyle, Laurent Janvier et donc Olivier Segas. Bonjour, Olivier Segas sur Radio Brume 90.7 pour un numéro un peu spécial de Divinéo. On démarre en douceur comme d'habitude avec quelques petites vieilleries. Je vous propose Strobes, un groupe des années 70 dans lequel officia notre ami Rick Wakeman. Strobes, une collection de choix, c'est le titre de cette compilation. Voilà, je vous propose Atom, cet extrait de Héros et Héroïnes, un album sorti en 74. Strobes. Strobes. Thank you. Van Friedman. Merci pour le vent offert par Olivier Segas. Voilà, donc vous venez d'entendre Man Friedman, donc extrait de Somewhere in Africa, un album de 83. Je vous disais, aujourd'hui c'est une émission très très très spéciale, il y a trois invités en face de moi, incroyable mais vrai. Il y a l'équipe de Divinéo, plus un digne représentant de Rockstyle. Je vais les laisser parler un petit peu, alors attention, j'ouvre les micros, ça va exploser, c'est parti, voilà, les micros sont ouverts. Donc, vous présentez à tour de rôle, s'il vous plaît, Monsieur Laurent Janvier. Eh bien, je suis donc Laurent Janvier, collaborateur pour le magazine Rockstyle. Et je tiens à dire bonjour à tous les Lyonnais et merci de nous avoir invités pour goûter, par exemple, le Beaujolais Nouveau. Par exemple, tu as raison. Et des bouteilles qui sont en vente à 9,90 francs au Monoprix du coin. Alors, nous avons après, donc, l'ami Olivier. Alors moi je m'appelle Olivier, j'ai 26 ans et je fais une émission depuis bientôt un an et demi, c'est ça Serge, sur Saint-Etienne, sur Radio Duo pour ceux qui connaissent, 89.5 MHz. Et ça s'appelle comment ? Et ça s'appelle Divinéo et c'est une émission consacrée au progressif. D'accord. Divinéo, tu décryptes un petit peu pour nos humbles auditeurs, pourquoi ça s'appelle comme ça ? C'est le titre d'une chanson de Pendragon qui s'appelle O Divinéo. Et je voulais un titre d'émission qui soit prononçable par tout le monde, qui soit pas trop pompeux. Et voilà quoi. Ok. Et donc Olivier collabore, je collabore à l'émission avec Olivier, donc je m'appelle Serge, Sergio pour les intimes. Et, donc, Sergio de Divinéo. Voilà, sur Radio Duo, et oui, ça rime. Donc, je te remercie Thierry pour l'invitation, Ram, on est fiers de participer à cette émission. You're welcome. Une des plus anciennes de France de rock progressif. Mon Dieu, ça ne rajeunit pas ça. Il avait dit qu'il allait encore la sortir. Donc voilà, on peut rappeler que donc si vous êtes sur la région stéphanoise, donc jusqu'à Rive-de-Gier environ, disons dans les plaines qui entourent Saint-Etienne, vous pouvez nous écouter le samedi soir de 19h30 à 20h30. Même à la rigueur, s'il y a des auditeurs de la vallée du Gier qui captent Radio Brume, ils peuvent téléphoner pour voir. J'aimerais savoir l'historique, l'histoire de cette émission, depuis quand ça dure, et puis même un petit peu l'audimat. Oh, l'audimat, mon Dieu. L'historique, allez, ce sera moins déplaisant. Si tu veux, moi j'ai commencé à faire la radio en 1992-93 avec un collègue à moi qui m'a invité à passer des chansons progressives sur Radio Dio dans une émission qui s'appelait Plage de Californie. C'était plutôt FM, Rock FM et Hard FM. Donc moi je me suis un petit peu imposé, j'ai passé 4 titres par émission. Et ensuite ce gars est parti et puis en 93 j'ai décidé de faire une émission consacrée uniquement au progressif. On a commencé le 9 octobre 93. Donc on a soufflé notre première bougie il n'y a pas longtemps. Et on a fêté, et hier on a fait la 55e émission. Voilà, voilà. Et donc on passe... J'aimerais que tu me présentes le morceau là, puisque aujourd'hui je me repose. C'est une émission très calme pour moi. Alors il bosse une fois pratiquement, par mois. Vous avez pratiquement fait la moitié de l'émission. Et c'est bien sympathique. Donc présente-moi le morceau là, comme si tu étais à Saint-Etienne. Alors tout de suite dans Divinéo, on peut dire ça, n'est-ce pas hein, tout puisqu'on à fait. Est invité, on va dire ça comme ça. Un extrait du dernier album solo de Christian Descamps qui s'appelle Nu, qui est sorti chez Musea, petit label qui sera bientôt grand, grand, grand. Et le titre c'est On dirait un ange et c'est tout de suite sur vos oreilles dans Brume, sur Brume Radio, dans Bande à part également. Voilà. On dirait un ange assis sur une branche. Il peut pas tomber. On dirait une toile, un masque, une étoile, un dernier baiser. On dirait un ange, quelque chose d'étrange, il sait pas chanter. On dirait la nuit, la bouche d'une amie qui veut pas causer. J'ai peut-être un chat, un je ne sais quoi, un rêve. Un peu chevalier, une armure rouillée, je rêve. On dirait un ange. Un drôle de mélange, il s'est pas volé. Le ciel est trop bas, pour qui, pourquoi voler. Débusquer celle qu'on avait peur d'aimer, voler. Un vilain mensonge. c'est vrai. On dirait la mer, le nid, le refrain, mais je m'y rendais. C'est peut-être toi, c'est peut-être moi, je rêve. Nos cœurs ébréchés s'achèrent. On dirait un ange, un drôle de mélange qui s'est pas volé. On dirait un ange, on dirait un ange, on dirait un ange. On dira un ange, Christian Descamps, extrait de son dernier album qui est vraiment excellent, qui s'appelle Nu, 75 minutes de vraiment de bonne musique, je pense un des tout meilleurs disques de l'année. On va rester dans la galaxie Christian Descamps ou Ange, comme on veut, avec une compilation qui a été sortie par plusieurs groupes français, qui a été sortie par Musea. En fait, c'est toutes des reprises d'Ange, sur lequel on retrouve notamment Galad, et c'est le titre qu'on va écouter avec Aurélia. Galahad, les petits Suisses qui ont sorti un album en 1993 et qui sont présents également sur la compilation À propos d'ange avec le titre une reprise de Aurélia. On va passer tout de suite, je vous rappelle que vous êtes toujours à l'écoute de Brume, c'est Bande à part, avec aujourd'hui un peu spécial puisqu'on est présent, on est bien de Saint-Etienne, on s'appelle Divinéo et on fait un petit peu notre... l'envahisseur, voilà. T'étais venu chez nous toi, hein. Alors moi c'est pour faire plaisir à un de tes auditeurs, ou peut-être plusieurs, puisque je me rappelle que tu m'avais dit qu'ils aimaient bien Saga. Tout à fait, hein, et que là je vais passer un morceau du dernier album. Ok. Qui s'appelle Style Umbrella, qui n'est pas excellent. Oui, quelques commentaires là-dessus. Je crois que tu as quelque chose à dire là-dessus, justement. Vas-y. Bah écoute, à en croire Rockstyle, c'est bien, mais en croire moi, ce n'est pas tout à fait ce qu'ils faisaient auparavant. On a eu un excellent album qui s'appelait The Security of Religion en 93, qui était vraiment excellent, qui signait le retour, entre autres, de Jim Gilmour au clavier et de Steve Negus à la batterie. Et puis là, ils ont sorti un album qui n'est pas sorti en France. C'est pour ça, cherchez-le pas chez les disquaires, il n'est pas sorti en France, il ne sortira sûrement pas. Et il y a 10 titres qui font 4 minutes, même pas. Celui-là qu'on vous propose maintenant fait 3 minutes 01. On fait dans le cours aujourd'hui, n'est-ce pas, Thierry? Oui, bien, non, mais on va se rattraper. D'y voir quand même, soyons pratiques, pragmatiques. Où est-ce que tu as pu te trouver ce disque-là? Parce qu'on m'a posé la question. Écoute, je l'ai trouvé. Moi, c'est un collègue de Lyon que tu dois connaître, qui s'appelle Gilles Masson. On s'est rencontré à la Fnac à Bellecourt. Et donc, je discutais avec le vendeur pour savoir quand l'album de Saga allait sortir. Pardon. Et lui m'a dit, ben écoute, si tu es intéressé, je te le vends. Je l'ai acheté en Suisse, c'est tellement une merde que je peux pas le supporter. Ah, d'accord. Pourtant, il était fan aussi comme moi, donc je l'ai écouté. Bon, ben c'est vrai que moi je l'ai acheté parce que, bon, pour avoir tous les albums, c'est vrai que sur ce style Umbrella, il n'y a pas grand chose de bon. Il y a peut-être 2 ou 3 titres qui se battent en duel. C'est difficile quand même. C'est vrai que d'après, quand tu écoutes des albums style. Image at Twilight, le premier album, Silent Night, t'es un peu déçu, quoi. Mais bon, on verra bien. On a Laurent Janvier, qui est donc membre éminent de la rédaction de Rockstyle. Il veut peut-être s'exprimer là-dessus, puisque Rockstyle en a dit du bien, alors. Est-ce que tu... Alors, je veux pas me prononcer sur la chronique qui a été faite dans Rockstyle, vu que je n'en assume pas la paternité. Ouais. Mais apparemment, c'est vrai que d'après tous les échos que j'ai eus de différentes personnes qui connaissent bien Saga et qui aiment Saga, ces personnes ont été déçues par cet album. Je crois que tout le monde est à peu près unanime à ce sujet-là. Ils vont perdre le peu de fans qui leur reste. Le peu de femmes. Le peu de fans. Ah bah ça, oui, c'est une autre affaire. Bon, bah on va laisser les auditeurs juges. Alors, on va leur laisser. Le morceau s'appelle Push It et c'est le meilleur morceau de l'album, à mon avis. Merci. Donc voilà. Saga, dernier album sur Bande à part, l'émission du rock progressif. We'll be right back. Allez, on se pousse un petit peu. Voilà, c'était le dernier saga. Effectivement, ça décolle pas vraiment des masses. Ce qui va suivre, j'espère, lui, va vous faire peut-être un peu plus vibrer. Voilà, c'est le guitariste de Kaipa, oui, ou Kepa, on prononce ça comme on veut. C'est scandinave, mais malheureusement, je n'ai pas fait de suédois. Donc, le guitariste de Kepa qui vient de sortir un album solo sur un petit label qui vient de sortir également, qui s'intitule Foxtrot. Voilà son nom. Alors, le titre de l'album, c'est The Flower King. Et le bonhomme, il s'appelle, attention les oreilles, c'est Juan Stolt. Voilà, vous allez voir, en dépit de ces titres peut-être un petit peu barbares, c'est carrément superbe. Et j'en profite au passage pour remercier l'AMEI André François Ruau qui nous écoute et qui a sérieusement bossé sur la programmation de cette émission. Quand je vous disais que j'ai rien foutu aujourd'hui. Voilà, tout de suite sur Bande à part, l'émission du rock progressif bien sûr. Effectivement, c'est carrément génial. Moi, je trouve ça superbe. Donc, The Flower King, merci André. Donc, le guitariste de Kaipa, groupe suédois qui a été réédité d'ailleurs par Musea, Juan Stolt, voilà, c'est un petit label Fox Records. Je pense qu'on trouve ça chez Musea, carrément. Voilà, on continue dans le Scandinave avec un jeune groupe qui s'intitule Fruitcake, voilà, Fruitcake, qui est un groupe également scandinave formé autour de Palsovic. Pour les inconditionnels, les amateurs, on dira, ah oui, ça me dit quelque chose, ce mec-là est un gars au clavier qui a fait des albums solo. Tout à fait, tout à fait. Voilà, et je vous propose donc un extrait de leur premier album sorti chez Cyclops. Cyclops, je vous rappelle, c'est un petit label british qui fait dans le progressif et qui nous sort des choses tout à fait de haute volée. Un morceau de 7 minutes 31, Fruitcake. Thank you. hommes, et que se passe-t-il à Zalé? Vous criez comme une baleine qui a mal aux dents. Oh, regardez! J'ai encore grossi! Ah oui, ça c'est vrai, oui, je sais. Oh, pauvre petite bascule. Oh, aidez-moi, monsieur Maigrux! Aidez-moi à me mettre au régime! Bah, vous aider? Oh, bah, vous voulez que je vous aide? Oh oui! Alors, c'est d'accord. Alors, restez là, hein, et attendez que je vous appelle. Quoi que vous fassiez, merci d'avance, monsieur Edux. Vous allez voir, je vais lui faire un de ses régimes, alors. Au travail! Voilà, donc après un extrait de Fruitcake, un album, un premier album sorti chez Cyclops, le titre How to Make It, comment le faire. On continue dans les productions donc bien sympathiques de Cyclops avec Epilogue. Epilogue, premier album qui s'intitule Hyde. C'est un groupe british, à ne pas confondre avec Episode qui lui est un groupe ricain. Voilà, je trouve même carrément supérieur à Fruitcake. C'est du Cyclops et c'est sur Brume et Bande à Part, bien sûr. You're listening to Bande à Part, the progressive program in Lyon. Thank you.

Epilogue Hyde, voilà donc un jeune groupe british sur Cyclops. J'ai dans le studio donc Laurent Janvier qui donc participe à Rockstyle, éminent magazine de rock progressif entre autres, mais également de rock en général. Disons un magazine qui pratique l'ouverture. C'est juste à ce juste titre un magazine très intéressant. J'aimerais qu'il m'en parle un petit peu, qu'il me raconte comment le magazine est né, qu'est-ce qui se cache derrière l'équipe, est-ce qu'il y a une philosophie, est-ce qu'il y a une façon de travailler bien particulière. Voilà, quelques mots sur Rockstyle, s'il te plaît. Alors tout d'abord, peut-être un petit peu d'historique, puisque tout a débuté en fait en Landgrass 1992 avec le fanzine Arpège, un fanzine qui traitait en grande partie de rock progressif, et qui au cours des 5 numéros qui sont sortis a subi pas mal d'évolutions, tant au niveau du format que de la qualité. Ah, je t'arrête, j'ai un petit problème de micro, tu m'en excuses, on va lancer collage et puis on reviendra sur toi. Là, il y a un petit problème technique indépendant de notre volonté. On continue avec collage. Collage est un groupe polonais, merci. Un groupe polonais, donc c'est le troisième album puisqu'il y a eu un premier Bachny, un deuxième qui était un hommage à John Lennon. Donc troisième album avec un nouveau chanteur. C'est signé sur SI et c'est carrément l'album du mois. Collage. Thank you. Rivadius, c'est encore planté. Ça, c'était un nouveau épilogue avec Aidan extrait de cet album. Et maintenant, collage, le voici, le voilà. Heureusement qu'on était là avant, hein, Boué la Marie. Thank you.

Voilà, donc après ce petit clin d'œil à Pulsar, on va entamer enfin notre petite discussion avec Laurent Janvier sur Rockstyle. Je disais donc Rockstyle bimensuel, c'est ça ? C'est cela même, oui. De rock généraliste qui est ouvert donc entre autres au rock progressif. Il y a Olivier qui nous fait signe, c'est bimestriel et non pas bimensuel. Merci Olivier. Alors j'aimerais que tu m'expliques un petit il peu... Il est taquin celui-là. Heureusement qu'il est venu. Hein. J'aimerais que tu m'expliques un petit peu toute la saga, hein, sans jeu de mots, de Rockstyle, un petit peu d'où ça vient, l'équipe, et puis la philosophie qui se cache derrière ce magazine. Bien, alors je reprends mon petit historique. Alors tout a débuté donc en l'an de grâce 1992 avec un fanzine qui s'appelait Arpège au départ, traitant en grande partie de rock progressif. Et après 5 numéros et un et bon nombre d'évolutions tant au niveau du format que de la qualité du contenu, le pas a été franchi en septembre 1993 vers un magazine à format professionnel, à diffusion nationale et tout ce qu'on veut. Et c'est ainsi que naquit Rockstyle, à vocation généraliste. Ce qui ne nous a pas empêché de garder un certain intérêt pour le rock progressif, comme en témoignent par exemple les différentes couvertures qu'on en a pu faire sur Kate Bush, Marillion, Pink Floyd, ou bien plus récemment Peter Gabriel. Ce qui nous amène au numéro 7 de ce numéro, avec en couverture Queen, où l'on traite aussi de rock progressif, puisque figurent dans ce numéro des interviews de Jeff Rotule, Dream Theater, un article sur Pink Floyd, plus des chroniques CD qui traitent par exemple de King Crimson, Peter Hamill, Mask, Fish, Red Jasper, ou le Mannerism, c'est-à-dire la compilation hommage à Geoff Mann. Alors pour ce qui est de la philosophie, on ne s'impose aucun tabou, c'est-à-dire que l'on parle de tout, même de rock progressif, ce qui est assez rare, pour être souligné dans un magazine diffusion nationale. Pour ce qui est de l'équipe, eh bien, on a une rédaction qui est composée d'une dizaine de personnes, qui au départ était basée à Besançon, puisque c'était le siège d'Arpège au départ, avec Thierry Busson, notre maître à tous, avec une partie de la rédaction basée à Paris, ainsi que des antennes à Lille et Saint-Étienne, puisque j'habite depuis peu à Saint-Étienne. Donc voilà pour ce qui est de l'équipe, la philosophie. La moyenne d'âge de cette équipe, moyenne ça m'a l'air assez jeune. Ah tout à fait, c'est moins de 30 ans. Moins de 30 ans. Et ça, c'est d'ailleurs, ça se retrouve un peu dans les chroniques, je trouve. Oui. Est-ce que tu en es d'accord ? Je suis d'accord. Alors, une rédaction avec une moyenne d'âge assez jeune, mais on s'aperçoit aussi qu'on a des lecteurs assez vieux. Des lecteurs qui recherchaient dans la presse rock quelque chose qui manquait. En fait, on a repris une place qui avait été abandonnée, enfin qui avait été occupée un moment par Line Up par exemple, ou Best, mais depuis quelques temps Best a un peu viré sa cutie, et donc on prend cette place là tout à fait. Depuis le départ de Picard entre autres, on est bien triste à ce niveau là puisque dans Best figuraient des choses comme Pendragon, Chandelier, on a vu passer le dernier album de Ange. C'est une perte. Quelques mots sur la diffusion, les abonnés, etc. C'est intéressant. Est-ce que c'est à quel niveau vous situez-vous par rapport à la concurrence, quoi ? Alors, au niveau du tirage, nous situons vers 15 000, 16 000 exemplaires, avec un pourcentage de vente très très intéressant par rapport à nos concurrents, puisqu'on l'on vend à peu près 50% de ce que l'on tire, ce qui est très très bien par rapport à la concurrence. Au niveau du nombre, on peut estimer que le magazine qui tire le plus actuellement, ça serait Hard Force, qui tire à peu près, d'après mes dernières nouvelles, vers 25 000, 30 000, donc on se situe bien, bien que ce soit des mensuels. Ouais, donc c'est la différence. Présence dans les kiosques, au début c'était un peu timide, est-ce que maintenant ça va mieux ? Disons qu'il y a un effet boule de neige, plus on tire de numéros, plus on a de chance d'être présent dans les kiosques, mais il est bien évident qu'on ne peut pas être présent dans tous les kiosques, même avec 16 000 exemplaires, vu qu'il doit y avoir 20 000 kiosques en France. Donc il faut, je ne sais pas comment est faite en fait la diffusion, mais on a une couverture nationale assez intéressante. Avec en plus un réseau de partenariats avec les radios, dont Radio Brume et Radio Dio. Hein, par exemple. Avec une couverture qui va de la Gironde jusqu'à la région parisienne. Et c'est une chose intéressante à faire. Je pense qu'on a un réseau qui est relativement important par rapport à ce qu'on peut trouver par rapport à d'autres magazines. Est-ce que le fait de sortir tous les deux mois n'est pas un handicap quelque part par rapport justement à la concurrence qui, elle, est mensuelle ? Disons que cela oblige l'acheteur à s'habituer à ce rythme-là et à ne pas chercher le magazine tous les mois. C'est sûr que tous les mois, ça peut, je ne sais pas si ça peut être envisageable dans les années qui viennent, enfin dans les mois qui viennent, mais on estime que pour l'instant, bimestriel, c'est tout à fait convenable. Mais c'est vrai que ça peut être un handicap, on en est conscient. Quelques mots encore à ajouter sur, sur Rockstyle ? Eh bien écoutez, jetez-y un œil en kiosque, puisque c'est Est-ce que le prochain numéro est en cours de fabrication ? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu en scoop ? Ah, il n'est pas encore en cours de fabrication, non, il paraîtra le 5 janvier, puisque on s'accorde un petit délai pour les fêtes de Noël quand même. Il n'est pas encore bouclé, mais je pense qu'on peut parler par exemple d'une interview de Queensryche, par exemple. Par exemple. Quel pourcentage de professionnels et d'amateurs ? Est-ce que c'est tous des passionnés qui font ça comme ça le dimanche, le soir vite fait ? Ou est-ce qu'il y a des journalistes professionnels ? Vite fait, pourquoi vite fait ? Bah, vite fait parce qu'ils ont d'autres obligations, non pas... tout à fait. Bah, disons qu'il y a une partie de la rédaction effectivement qui arrive d'Arpège, qui est tout à fait amateur et passionné par ce qu'ils font. Enfin, c'est pas pour dire que les autres ne sont pas passionnés par ce qu'ils font. Ouais, complètement. Mais c'est vrai qu'il y a une certaine partie de la rédaction qui désire totalement s'investir au niveau professionnel dans Rockstyle. Donc on peut dire que c'est 50-50. Ouais, d'accord. Et au niveau des goûts, est-ce qu'il y a une ou deux personnes vraiment branchées progressif et puis le reste pas du tout, ou est-ce que finalement c'est plus bigarré que ça ? Toutes les personnes qui arrivent de Arpège sont bien branchées progressif, comme moi par exemple, et c'est vrai que c'est une colonne vertébrale assez conséquente dans la rédaction, avec des personnes plus branchées bon, surtout ce qui est plus violent, dirons-nous, plus... Ouais. Moi, chacun plus péchu. Plus péchu, par exemple, moi, je ne m'occupe pas seulement de rock progressif, mais je traite aussi de blues et un peu de hard rock aussi. Mm-hmm. Donc, mais on ne s'enferme pas dans un style particulier. Il y a une activité aussi qui a l'air développée, c'est le partenariat au niveau des concerts. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots là ? J'ai vu que Rockstyle avait été justement associé à la tournée de Pendragon, par exemple. Tout à fait, et aussi à la tournée de IQ. Malheureusement, à Lyon, ça n'a pas pu se faire. Pour les raisons techniques. À la dernière minute. Oui, non, il y a eu de gros problèmes techniques. Oui. Mais c'est vrai qu'on essaie d'être présent. On s'occupe pas mal du partenariat pour des concerts qui se situent à Dijon et Besançon, et on essaie de s'étendre justement à une couverture nationale maintenant. D'accord. Puisqu'on a été partenaire pour la tournée Aerosmith, par exemple. Ok. À quand des pages en couleur ? Des pages en couleur ? Est-ce que c'est une évolution souhaitable ? Pourquoi pas ? Je trouve que le noir et blanc donne un charme particulier. Une photo noir et blanc peut très bien être plus belle qu'une photo couleur. C'est vrai, tout à fait. Et puis ça permet peut-être de maintenir un prix assez modique. Aussi, puisque nous tournons à 20 francs. D'accord, ok. Avant de lancer Citizen Kane, qui est une nouveauté de chez SI, j'aimerais que Serge pose une petite question. Vous savez que...